Je cours à la hâte, au loin, à la conquête d'une fantaisie, une illusion à portée de main qui m'échappe d'un tout petit rien, tandis que je lui tends les bras pour la dérober de son piédestal et l'étreindre contre ma poitrine, la serrer prestement, tant et si fort qu'elle pénètre à l'intérieur de mon corps et sustente mes seins galbés de toute son énergie. Je file, les poumons gonflés, le cœur haletant d'espoir, les foules, les yeux embués, les yeux embués, les yeux embués d'euphorie.